Je ne te l'ai pas dit, mais tu le sais, tu n'as pas pu t'en pêcher non plus. Et puis on est parti, mais on n'a c'est rien.